Chapitre 8. Château de Foix, la découverte. Ils se garèrent au centre, place Saint-Volusien, et calmement montèrent à l'édifice tout en l'admirant. Il n'était pas bien haut, pas très grand, rien à voir avec la fabuleuse forteresse de Montségur, mais il en imposait tout de même. Enfin, songeait Jérémie, il allait pouvoir visiter le fief de ce seigneur qu'il avait admiré depuis l'école. Passé la poterne, la longue allée débouchait sur une entrée flanquée de quelques marches. Martinet les y attendait. Le bonhomme salua chaleureusement son ancien élève, puis serra la main de Jérémie, lançant un regard interrogateur à Fred. Ah, mon meilleur ami est féru d'histoire, professeur, et surtout de la période moyenâgeuse. J'en suis bien aise, jeune homme. Je pense que nous allons en ce cas bien nous entendre, car c'est également ma grande passion depuis plus de 50 ans. Connaissez-vous la vie de ce grand seigneur, Phébus? Eh bien, seulement celle des livres. Oui, bien évidemment. Il y a tellement de choses que les livres ne relatent pas. En effet, et je pense que vous allez nous en donner des centaines d'exemples. Certes, certes. Mais ne restons pas sur le pas de cette demeure. Entrez donc. Ils se retrouvèrent dans une semi-pénombre fraîche et attendirent que leurs yeux s'habituent à cette soudaine obscurité pour observer avec curiosité la salle de garde. Mais elle est quasiment vide, fit Jérémie étonné. Bon, vous savez, au fil des siècles, le peu de meubles a disparu. N'oubliez pas qu'ils étaient en bois et qu'à l'époque, les traitements modernes n'existaient pas encore. Certains ont survécu, comme cette cathèdre, allez savoir pourquoi. Il leur montra une espèce de fauteuil à haut dossier sculpté avec art. Et elle servait au seigneur à en imposer à sa cour, je suppose, demanda Jérémie. Eh bien, peut-être allez-vous être surpris, mon ami, mais elle faisait surtout office de chaise percée. Mais oui, il est plus que probable que ce cher Gaston, lorsqu'il était, disons, dessus, recevait ses hôtes et sa cour. Étonnés, les hommes s'en approchèrent. Elle est quand même superbe, réitéra-t-il, admirant le travail de l'artiste qui l'avait si joliment embellie. Que reste-t-il d'autre? Pas grand-chose, j'en ai peur, hélas. Vous allez voir quelques boulets de granit qu'ils ont dû se jeter à la figure de temps à autre, mais point de coffre ni de lit. Du moins, rien qui n'ait appartenu en propre à notre Gaston. Mais cependant, il y a bien le fameux lit d'Henri le IV, et il est classé monument historique. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'il est fort probable qu'il ne se soit jamais couché dedans, et n'y ait jamais posé son séant non plus. Jérémie se sentait de plus en plus déçu. Décidément, il ne fallait pas même se fier au livre d'histoire. Pourtant, il demanda. Et cette fameuse cheminée qui aurait pu, selon mon livre, rôtir un bœuf en entier? Oh, elle est bien toujours là, à l'étage, mais en guise de bœuf, il est plus que probable qu'elle ait servi à rôtir cerfs et sangliers. Au moins, elle existe. Aucun doute. Si vous désirez la voir, montez donc ces quelques marches, fit le professeur. Dites-moi, professeur, osa demander Jérémie, avant cela, pouvez-vous nous dire ce que vous avez découvert? L'homme regarda attentivement Jérémie de ses petits yeux gris perçants. Et ce qu'il lut sur son visage dut lui plaire, car il se décida à en dévoiler davantage. Je ne devrais pas. Cependant, vous me paraissez vraiment passionné et sincère, alors je vais plutôt vous montrer. Suivez-moi, nous allons dans la tour de l'Arger, la tour carrée. Ils ressortirent et suivirent l'homme qui trottinait devant eux. Les marches portaient l'usure du temps ainsi que de tous les pas des hommes ayant passé par là. Jérémie visionnait les soldats venant rendre compte à Phébus de leur ronde. Il eut soudain un frisson. Ils arrivaient à l'endroit où tout un pan de mur s'était écroulé, laissant apparaître un magnifique portrait d'une femme à la grande beauté et si jeune qu'elle devait à peine avoir atteint ses 16 printemps. La peinture était en parfait état de conservation. Jérémie s'arrêta net devant, bouche bée. Comment était-ce possible? Il se tourna vers son ami pour constater que ce dernier lui aussi semblait stupéfait. De l'incrédulité s'était emparé des deux hommes. Statufiés, ils ne bougeaient plus. Le professeur, quant à lui, tout à ses pensées, ne voyait rien de l'émotion intense que ressentaient ces deux invités. Voilà le fameux portrait que nous avons trouvé lorsque ce fichu mur est tombé. Il est certes très étonnant de constater le parfait état de conservation de cette œuvre, tout en sachant bien évidemment que la donzelle n'est plus de ce monde depuis quelques siècles. Puis s'apercevant enfin que les deux amis ne réagissaient pas à ses propos, il ajouta « Oh, je vous l'accorde, elle est bien jolie, surtout pour l'époque. Sans doute quelque paysanne qui a su prendre Phébus dans ses filets pendant une chasse qui l'affectait particulièrement. Elle s'est certainement mise sur sa route. Phébus aimait à butiner les jolies fleurs. Enfin, on ne sait rien d'elle et c'est très frustrant, je vous l'accorde. Vous semblez, comment dire, la connaître, râla Jérémie, la voix devenue rauque d'émotion. C'est impossible, renchérit Fred, impossible. Oh, monsieur, jeune homme, à l'époque, la peinture. Non, professeur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Un léger coup de coude l'arrêta net. Surpris, il regarda son ami. Ce dernier, sur un léger signe de tête discret, le retint de donner une explication au scientifique. Il reprit. Mais vous avez raison, professeur. Vous me suivez, poursuivit le petit homme maigre. Le portrait est indubitablement intéressant, mais le document, lui, l'est autrement plus. Un document? Oui, je sais, c'est vite dit, je devrais plutôt dire une espèce de parchemin, mais je vous en prie, venez.